Et c'est là qu'évidemment, l'épreuve, enfin, une tentative que j'ai faite de mettre en ordre ce que j'avais vu quand même apprendre de M. Quincot, je me suis tout d'un coup avisé de ceci, qu'il y a une très grande différence entre savoir, sa savoir ce dont on parle, ce dont on croit pouvoir parler, et puis ce qu'il en est de ce que j'appellerais le terme qui va servir à bien expliquer ce que nous allons faire ici. Il va y avoir pour la deuxième fois une rupture quant à la façon dont je m'adresse à vous. La dernière fois, vous avez subi une rude épreuve, même jusqu'au point que certains avaient émis l'hypothèse que c'était pour aérer un peu la salle. Moi, le résultat est médiocre. Alors, cette fois-ci, je pense qu'au contraire, j'aurais plutôt des raisons de rester, parce que si je vous offrais une seconde fois ce que grâce à M. Quincot je peux faire aujourd'hui, ce sera une autre manière. Et disons que, à tout prendre, je me suis senti à la pensée de manier, parce que nous avons bien été forcés de manier, à savoir des lettres hébraïques. Si la dernière fois j'ai inséré dans ce texte que je vous ai lu cette définition du Midrash, qui est celui d'un rapport à l'écrit, soumis à certaines lois qui nous intéressent éminemment, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, dans l'intervalle d'un certain rapport à l'écrit à une intervention parlée qui prend appui, qui s'y réfère. L'analyse tout entière, j'entends la technique analytique que d'une certaine façon s'élucider de cette référence. Être considéré comme ce jeu de, dans le entre guillemets, d'interprétation, puisque le terme est employé à tort et à travers, depuis qu'on nous parle de conflit des interprétations, par exemple. Comme s'il pouvait y avoir conflit entre les interprétations, puisqu'au plus les interprétations se complètent, les interprétations jouent précisément cette référence, ce qui apporte, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, falsum, ce qui en tombe avec toute l'ambiguïté que, autour de ce mot peut s'établir, de la chute et du faux. Du faux, j'entends, du contraire du vrai. Dit que même à l'occasion, ce faux d'une interprétation peut avoir sa portée de déplacer le discours. Eh bien, que nous allons faire, et ceci, je crois que nous allons souhaiter mieux de vous transmettre ce dont il s'agit, qui ne saurait pour moi aucunement dans ce champ répondre à un savoir, mais plutôt ce que j'ai appelé cette mise au parfum. Eh bien, je vais continuer l'opération devant vous. Je vais continuer à essayer de mettre au parfum, sous la forme qui n'a rien de fictif, de questions qui restent forcément inépuisées, qui sont les mêmes que j'ai posées à M. Quincot ces jours derniers. Et à ce propos, je serai au même titre que vous. Dans ce rapport de la mise au parfum de ce qui est un certain savoir, qui est très précisément celui de l'exégèse biblique, j'ai besoin de vous dire que M. Quincot est à cette cinquième section au titre des religions sémitiques comparées. Je crois par l'expérience que j'en ai fait que personne ne peut assurément dans ce domaine être plus adéquat, au sens où je l'ai prouvé moi-même, à me vous faire sentir ce qu'il en est de ce qu'est l'approche d'un Céline quand il tire des textes d'Osée, et vous verrez par quel procédé, quand il tire des textes d'Osée, une chose que lui-même a bien envie de faire sortir, il a ses raisons pour ça, et ses raisons nous importent. Là-dessus, ce que m'a apporté M. Quincot est également précieux. Je parlais tout à l'heure d'ignorance. Pour être un père, j'entends à pas seulement un père réel, un père du réel. Il y a assurément des choses qu'il faut férocement ignorer. Il faudrait, d'une certaine façon, tout ignorer de ce qui n'est pas de ce que j'ai essayé dans mon texte la dernière fois, de fixer comme le niveau de la structure. Celui-ci étant proprement parlé, défini de l'ordre des effets du langage. C'est là qu'on tombe, si je puis dire, sur la vérité. Le « sur » pouvant aussi bien être remplacé par « de ». On tombe de la vérité. À savoir que chose singulière à envisager cette référence absolue, on pourrait dire que celui qui s'y tiendrait, mais bien sûr il est impossible de s'y tenir, ne saurait pas ce qu'il dit. Ce n'est certainement pas là dire quelque chose qui d'aucune façon spécifique pourrait servir à spécifier l'analyste. Ce serait bien sûr le maître, je dois dire, c'est certainement, vous êtes tout prêt à me dire, le maître au rang de tout le monde, de savoir que qui sait ce qu'il dit. Mais ce serait là une erreur. Ce n'est pas parce que tout le monde parle que tout le monde dit quelque chose. C'est une toute autre référence de savoir dans quel discours on s'insère. Il s'agit à la limite de cette position en quelque sorte fictive. Il y a quelqu'un qui répond à cette position. Quelqu'un que je vais nommer sans hésiter, parce qu'il me paraît essentiel. Essentiel à l'intérêt que nous, analystes, devons porter à ce qu'il en est de l'histoire hébraïque. Et de ce qui fait que l'analyse n'est peut-être pas concevable à être née ailleurs que dans sa tradition. Que de quelqu'un qui y est né et qui, comme je vous l'ai souligné, insiste sur ceci qu'il n'a proprement confiance pour faire avancer dans le champ qui est celui. Il a découvert justement que ces Juifs qui savent lire depuis assez longtemps, vivent, c'est le Talmud, de la référence à un texte. Celui ou ce que je vais nommer, qui réalise cette position radicale d'une ignorance féroce, il a un nom, c'est Yahvé lui-même. Caractéristique de Yahvé dans son interpellation à ce peuple choisi est proprement ceci qu'il ignore tout férocement de tout ce qui est existant au moment qu'il s'annonce, de certaines pratiques, de certains rapports qui sont ceux des religions déjà existantes, foisonnantes, dont nous devons dire qu'elles sont fondées sur un certain type de savoir. Savoir sexuel, précisément. Et quand nous parlerons d'oser tout à l'heure, nous verrons à quel point c'est à ce titre qu'il les invective. Tout ce qu'il en est d'un rapport, en quelque sorte, mêlant, avec des instances surnaturelles, la nature elle-même qui en quelque sorte en dépend, de quel droit avons-nous de dire que ceci ne reposait sur rien, que le mode d'émouvoir, le Baal, qui en retour fécondait la terre, le cosmos n'est pas quelque chose qui aussi bien pouvait avoir son efficace, pourquoi pas. Simplement parce qu'il y a eu Yahvé, qu'un certain discours s'est inauguré, que j'essaie cette année d'isoler comme l'envers du discours psychanalytique, à savoir le discours du maître à cause de ça précisément. Nous n'en savons plus rien. Est-ce que c'est la position que doit avoir l'analyste? Sûrement pas. L'analyste, est-ce que j'irais à dire, j'ai pu l'éprouver sur moi-même, l'analyste ne passe que passion féroce, ce qui nous surprend tellement. Quand il s'agit de Yahvé, c'est que Yahvé se situe au point le plus paradoxal. Regarde une perspective autre, qui serait celle, par exemple, du bouddhisme. Des trois passions fondamentales dont il est recommandé de se purifier, à savoir l'amour, la haine et l'ignorance, vous pouvez constater, c'est ce qui saisit le plus cette histoire manifestation religieuse unique qu'il n'est dépourvu d'aucun. Amour, haine et ignorance, voilà en tout cas des passions qui se pointent absentes à proprement parler de son discours. Ce qui distingue très évidemment la position de l'analyste, et je n'irai pas aujourd'hui à l'écrire sur le tableau à l'aide de mon petit schéma, celui où l'objet petit a est en haut et à gauche, la position de l'analyste très évidemment. C'est là le seul sens qu'on puisse donner à la neutralité analytique et de ne pas participer de ses passions. Ce qu'il lui fait, tout le temps, elle, être là, dans cette zone incertaine, où il est vaguement en quête d'une mise au parfum, une mise au parfum de ce qu'il en est, et savoir que pourtant, il a à proprement parler à répudier. C'est bien de cette approche du dialogue de Yahvé avec son peuple. Que ce dont il s'agit aujourd'hui, à savoir de ce qui a bien pu se passer dans la tête de Céline, et aussi de ce que peut nous révéler la rencontre qui se trouve de ce fait établi entre ce que recherche Freud, qui est proprement cette ligne, mais où il s'arrête, comme je vous l'ai dit, où il échoue, où il fait de la thématique du père, cette espèce de nœud mythique, dont c'est proprement parler une dévisée de ce que j'ai maintenant à vous développer, quand il fait en quelque sorte un court-circuit et pour tout dire un ratage. Je vous l'ai dit, le complexe d'Édipe, c'est le rêve de Freud. Le rêve, il a besoin d'être interprété. Très précisément de voir où se produit cet effet de déplacement qui est à très proprement parler à concevoir comme celui qui peut se produire du décalage dans une écriture. Le père réel, si l'on peut essayer de le restituer de l'articulation de Freud, s'articule proprement avec ce qui ne concerne que le père imaginaire, à savoir l'interdiction de la jouissance, que d'autre part il soit masqué, ce qui fait de lui l'essentiel, à savoir cette castration. À proprement parler, que je visais à l'instant en disant qu'il y avait là un ordre d'ignorance féroce, j'entends dans la place du père réel, c'est ce que je pourrais, j'espère, vous démontrer d'autant plus facilement qu'aujourd'hui, nous aurons à propos de Céline clarifié un certain nombre de choses. C'est pourquoi je me permettrai d'abord de poser à monsieur Lacour quelques questions. Certes, c'est bien parce que je lui exprimais de mille façons que le fond de notre problème, ici, sur ce point, c'est comment, pourquoi Freud a-t-il eu besoin de Moïse? Il est évident qu'il est essentiel pour le savoir d'avoir quand même une petite idée de ce que ça signifie Brunus. Et le texte de Céline, commence effectivement par ceci, par la question « Vers va Moses, qu'est-ce qu'était Moïse ?» et par résumé sur ceux qui l'ont précédé, sur ceux qui sont là en train de travailler avec lui, près de compositions diverses, mais certains sont exclus que ces positions ne soient clarifiables, qu'en fonction de savoir depuis quand il y avait cela, s'il y avait, était déjà le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qu'il s'agisse là d'une tradition de l'évolution intensive, c'est évidemment tout différent de ceci, que cette tradition ait pu être en quelque sorte rétroactivement reconstituée, ceci par le fondateur de religion que serait alors Moïse en tant que pied de l'oreille. Donc plus exactement sur l'oreille lui-même, il aurait reçu, remarquez-le, écrite les tables de la loi. Le livre de Céline tourne à proprement parler autour de ceci. Mose und seine Bedeutung für die israelitische jüdische Religionsgeschichte. Pourquoi a-t-il fallu que Céline nous présente un Moïse tué? C'est une question. Je ne voudrais même pas l'aborder. Je vais en laisser entièrement le champ à M. Caco. Certains croient que ceci est lié étroitement au fait que Moïse est considéré comme un prophète. Pourquoi est-ce au titre de prophète qu'il doit être tué, plus exactement, Céline le pense comme ayant subi la mort d'un martyr au titre de ce qu'il est prophète? Voilà ce que déjà je pense, M. Caco. Vous me permettez de dire, de présenter d'abord le personnage dont nous parlons, puisque nous sommes ici non pas pour expliquer des textes d'Osée, je crois qu'il faudrait y rester toute l'année, mais pour expliquer une opinion sur Osée qui est celle d'Ernst Selin. Ernst Selin est le type même de ses professeurs d'université allemande du début du siècle, du 19e siècle. Il était né en 1867 et il a fait une carrière absolument rectiligne comme professeur d'Ancien Testament dans les facultés de théologie protestantes d'Allemagne. À l'époque, en 1920, je crois, il est professeur ordinaire d'Ancien Testament à l'Université de Berlin. Il n'est peut-être pas inutile de savoir quelque chose de son idéologie. Céline est un représentant assez typique du protestantisme évangélique, ou que nous appellerions plutôt libéral aujourd'hui, en cette Allemagne de la fin du 19e siècle. La religion d'Israël est vue avant tout par cette tendance comme, si vous voulez, une leçon de morale. On insiste toujours sur les éléments éthiques dans la révélation. Or, ces éléments éthiques, nous les trouvons, et c'est l'opinion courante du temps de Céline, d'une part, dans ce qu'on appelle les grands prophètes, mettez les Isaïe, Jérémie, et puis les petits prophètes aussi, enfin les 12 petits prophètes, dont Amos et Osée sont les représentants les plus anciens. Et d'autre part, cette révélation orale se trouve dans le Décalogue. Le Décalogue, en particulier, ce qu'on appelle le Décalogue éthique d'Exode 20, ce que vous connaissez comme les 10 commandements. Les 10 commandements, Céline les attribue, et il n'est pas le seul, à Moïse lui-même. Et alors, comment relier l'un à l'autre ces deux sommets de la révélation vétérotestamentaire? Céline pose ceci, alors fait une sorte de postulat. Les prophètes, les grands prophètes, écrivains, sont les héritiers de la tradition mosaïque, de la véritable tradition issue de Moïse et comportant, véhiculant également des éléments authentique sur le sort, la vie de Moïse, qui est le premier prophète. Il y aurait donc, si vous voulez, continuité entre Moïse et Osée, puisque nous parlons de lui. Deuxième élément qui a déterminé sa réflexion dans le Mose und seine Bedeutung et qui l'a conduit à affirmer, à avancer cette thèse extrêmement particulière, je m'empresse de le dire, la thèse d'une mort de Moïse n'a jamais été soutenue que avant lui, que par Goethe, dans un passage que je ne connais pas mais qui a été repéré, et que Zelig lui-même ne connaissait pas. C'est quelques années plus tard, Karl Bude, un des collègues de Zelig, qui a fait remarquer que cette idée d'une mort de Moïse avait déjà été lancée par Goethe. Alors pourquoi la mort de Moïse? Je me permets de refaire à l'inverse, si l'on veut, la présentation du livre « Mose und seine Bedeutung » de Ernst Zelig. Il y a quelque chose de significatif. Au moment où Zelig écrivait son « Mose und seine Bedeutung » paru en 1922, il venait d'achever un commentaire des 12 petits prophètes, comprenant le livre d'Osée naturellement, qui a été publié la même année, 1922, dans une série de commentaires exégétiques qu'on appelle le K.A.T. Commentar zum Alten Testament. Seul prophète, le livre des 12 petits prophètes. Dans ce livre, dans ce commentaire sur Osée, il n'est pas question une minute de la mort de Moïse. Il passe sur les passages qu'il discute tout au long dans le livre « Mose und seine Bedeutung », il n'est pas mis en œuvre une exégèse tout à fait différente. Il n'a pas encore fait, si l'on peut dire, cette découverte, il n'a pas encore conçu cette hypothèse d'une mort de Moïse. Et alors, je pense que c'est après avoir achevé la rédaction de son commentaire du Mose sur Moïse que Zelig est venu en aide à cette idée en réfléchissant sur autre chose. Et cette autre chose, c'est un autre passage biblique, tout à fait différent d'Osée, et qui est également prophétique, c'est le Deutéro-Isaïe, les chapitres 40 et suivants du livre d'Isaïe, et en particulier les chapitres, fin du chapitre 52, début du chapitre 53, collection d'un prophète du 6e siècle, dans laquelle il est question d'un serviteur de Yahvé dont les souffrances ont une valeur expiatoire pour les péchés du peuple. Considéré par la tradition chrétienne et également par cette tradition exégétique protestante comme un des sommets également de la révélation vétérotestamentaire, puisque ça introduit l'idée de la mort rédemptrice et qu'il y a certainement dans l'Évangile ou dans les Écrits chrétiens appropriation de la figure du serviteur souffrant sur le personnage de Jésus. Ça, c'est une idée protestante. Alors, à partir de là, vous voyez l'importance qu'il attache à Moïse, l'importance qu'il attache aux prophètes, Osée jusqu'au Deutéro-Isaïe, qui est également un prophète, l'importance qu'il attache aux prophètes comme successeur héritier de Moïse. Zelig, je crois, est parti de cette affaire, cette découverte, le serviteur souffrant du Deutéro-Isaïe, dont la mort a valeur rédemptrice, c'est Moïse lui-même. Et à partir de là, il a retrouvé, s'est efforcé de retrouver dans les livres prophétiques antérieurs des allusions à une mort de Moïse. Et c'est là qu'il a réinterprété un certain nombre de passages d'Osée de manière à leur faire dire, je dis bien à leur faire dire, qu'il y était question d'une mort de Moïse. Osée, n'est-ce pas, un des plus anciens prophètes, gardien de la tradition prophétique, c'est-à-dire de la véritable tradition sur Moïse, aurait exprimé un mot, il faut bien le dire, couvert, et même tellement couvert qu'ils n'y sont probablement pas, la mort de Moïse. Et qu'ils n'ont jamais été lus avant Zelig, et qu'ils n'ont jamais été lus depuis Zelig. Mais vous pouvez voir, je crois que c'est évidemment un tout autre un genre d'étude à laquelle vous n'êtes peut-être pas habitués, mais c'est assez amusant de voir comment a procédé Zelig. Et ça donne une idée, d'ailleurs, il ne faut pas lui jeter la pierre. Les exégètes de cette époque-là considéraient en quelque sorte que les copistes de la Bible ne savaient pas l'hébreu. Et c'est un peu grossier ce que je dis, mais finalement c'est ça. On disait c'est du mauvais hébreu, donc il faut corriger. Alors le résultat, on prenait une phrase évidemment énigmatique, très difficile, parce que cet hébreu du 8e siècle était pratiquement surtout un hébreu poétique, était devenu une langue morte. Et les commentaires rabbiniques, les rabbins et les auteurs juifs du début de notre ère, les traductions, la traduction des Septante, par exemple, qui traduisait des faits par des juifs qui savaient l'hébreu, eh bien, ils ne comprenaient pas plus que nous. Alors, ils avaient pourtant le même texte, et souvent. Alors, à partir de, en disant, le texte de l'hébreu, le texte de la Bible hébraïque est corrompu, corrigeons-le, remplaçons un mot qui est paraît bizarre, ben, remplaçons-le par un mot bien connu, et comme ça, on arrive quelquefois, c'est la règle générale, à banaliser le texte, à faire dire des pauvretés au texte de la Bible, et tantôt, on arrive à lui faire dire, et c'est le cas de Céline, exactement ce que l'exégète voulut qu'il dit. C'est pas qu'il y a eu un texte qui est antérieur au texte. Antérieur, oui, là, puisque les manuscrits, enfin, les manuscrits hébraïques les plus anciens sont la Bible complète, sont du 9e siècle de notre ère, et que la version des Septante est certainement élaborée avant l'ère chrétienne. Mais il apparaît que, évidemment, ce n'est pas toujours le cas, mais je crois personnellement, et une certaine expérience, que la version grecque des Septante a très souvent sous les yeux, ou dans l'oreille, le même texte que la Bible imprimée, la Bible massorétique, la Bible traditionnelle, mais que quelquefois, ne le comprenant pas, ils interprètent. C'est comme ça qu'il faut envisager l'étude des anciennes traductions de la Bible. Alors, je ne sais si nous continuons à... Je crois que vraiment, c'est ce qui est passé dans le cas une idée des manipulations autour de quelques mots vraiment clés. Pour c'est le sujet qui nous intéresse, n'est-ce pas, c'est-à-dire le moïsme céline. Voilà, il faut partir, je crois, de deux textes, des textes d'Osée, également d'un autre texte que je vous présenterai d'abord très rapidement, qui est Nombre 25, le chapitre 25 des Nombres. Texte très curieux, très difficile, certainement remanié par d'anciennes traditions, avant bien entendu de connaître sa fixation par écrit dans la Bible, et qui raconte, vous savez, l'idolâtrie des Israélites dans les plaines de Baal-Péor, l'idolâtrie de, dans les plaines de Moab, l'idolâtrie de Baal-Péor, et ceci se passant dans un endroit appelé Chittim. C'est très difficile. Mais je me permets de vous rappeler, de vous lire la fin. Pas Nombre 25, je lis une traduction, le texte est facile et nous pouvons prendre là n'importe quelle traduction. Pendant qu'Israël demeurait à Chittim, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les troupes de Moab. Je passe, n'est-ce pas je passe dans le texte. Et d'ailleurs, le texte est extrêmement petit. Alors, la colère de Dieu s'enflamme contre Israël. Voici qu'un homme des enfants d'Israël. Ah, et alors là, un passage tout à fait curieux. Un homme des enfants d'Israël amène vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À ce moment-là, le prêtre Pinhas, l'ancêtre du sacerdoce de Jérusalem à l'époque royale, l'ancêtre fictif. Pinhas, perce l'homme d'Israël et la femme madianite par le ventre. Et cela fait suspendre un fléau, on ne sait pas trop lequel, probablement ça a l'air d'être une peste, mais on n'en est pas très sûr, et le texte glisse là-dessus, lui aussi. Suspend un fléau, c'est pas qui c'est, un fléau qui avait été déclenché, semble-t-il, pour punir en punition de l'idolâtrie dans les plaines de Baal-Péor. Ce texte est très important, mais pour une autre raison, parce qu'il fonde, je le signale en passant, il fonde l'élection d'une dynastie sacerdotale qui prétend remonter à Pinhas. Pinhas, n'est-ce pas, reçoit à ce moment-là une alliance de sacerdoce, c'est-à-dire la garantie de perpétuation du sacerdoce dans sa lignée, pour le prix du zèle qu'il a déployé en punissant les Israélites qui avaient péché dans les plaines de Moab. Mais alors, ici, au verset, à partir du verset 14, une autre indication qui paraît venir, qui paraît être une espèce d'incident. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salou, Il était prince, il était siméonite. Et la femme madianite s'appelait Cosque. Hypothèse de Céline. Le texte a été torturé. On a voulu effacer le souvenir de toute autre chose. Et ce toute autre chose, c'était ceci. Dans ce lieu appelé Chittim, dans les plaines de Moab, l'homme qui avait été mis à mort pour expulser le fléau, la peste qui frappait Israël, n'était pas ce personnage qu'on appelle Zimri, de la tribu de Benjamin, ou de Siméon, pardon, dont on parle juste par ailleurs, c'était Moïse lui-même. C'était Moïse. Et voilà la mort rédemptrice de Moïse. En effet, il ajoute quelques arguments. Il est bien évident que qui est-ce qui a épousé une Madianite, c'est Moïse. Puisque dans la tradition, la femme de Moïse, c'est Cora, est la fille d'un prêtre de Madian. Donc, cet époux d'une Madianite, dont on a dissimulé aussi le nom, puisque on l'appelle Cosbi, non pas de Sipora, s'il y avait Sipora, ce serait trop facile. Cosbi, qui est un sobriquet injurieux, dérivé du nom, un nom qui signifie le mensonge. Donc, vous voyez, les prêtres, la tradition sacerdotale, qui est à l'origine du chapitre 25 des Nombres que nous connaissons, aurait éliminé Moïse et l'aurait remplacé par cette espèce de bouche-peau qu'on appelle Zimri. Mais, si l'on reconstitue la tradition que Zélim croit authentique, il était question ici d'un meurtre de Moïse à Chittim. Tout ça, je l'expose, n'est-ce pas, mais encore une fois, c'est absolument arbitraire ce qu'elle fait. Et alors, à partir de là, nous pouvons regarder les passages d'Osée. Il y a trois passages qui sont particulièrement significatifs. Le premier est au chapitre 5. Voyons, ce sont les versets. Ah oui, merci. Chapitre 5, 2. Oui. Alors là, il faut dire, je renonce à traduire l'hébreu de 5.2. Osée 5.2. Osée chapitre 5, verset 2, je pourrais vous lire l'hébreu, mais reconnaissons, il est inintelligible. Et la moindre honnêteté est de traduire par des petits points. Osée 5.2, je lis une traduction, c'est une des dernières parues en français, c'est la traduction dite de la Bible œcuménique, qui en principe est extrêmement, telles sont les consignes, au moins être le plus près possible du texte hébraïque. Bon, voilà 5.1, écoutez ceci, vous prêtres, soyez attentifs, maison d'Israël, maison du roi, prêtez d'oreilles, c'était à vous rendre justice. Or, vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor, c'est-à-dire que vous avez fichu les gens dedans, en quelque sorte. Verset 2. Ah si, ça c'est une allusion à des épisodes de Mitzpah était un lieu de, à l'époque pré-royale, Mitzpah était un lieu de rassemblement, si vous voulez, tribal, où la justice était rendue. Enfin, pour le d'abord, c'est plus mystérieux. Enfin, alors, ensuite, notre Bible, traduction si peut-être possible, n'est-ce pas, dit ceci. Les infidèles ont creusé une fosse profonde. Profonde. Idéalement, c'est de ces deux mots que je vais transcrire. Je vais transcrire, enfin, s'il y en a d'entre vous qui lisent l'hébreu. Chantata. C'est une. Avec et Amico. Je transcris. Shabbata, septième et Amico. Pas le verbe et Amico, ils ont creusé profondément, ils ont rendu quelque chose profond. Ce mot septième, on traduit par infidèle. Sujet de l'Élitou, les fidèles ont approfondi, ont fait quelque chose de profond, et les infidèles, pardon, ça peut aller. Mais Charata, tout ce qu'on veut dire, c'est que ce nom, c'est un substantif, dont on ne voit pas la fonction dans la phrase, mais qui se rattache à une racine verbale, Charat, qui signifie égorger, massacrer. Voilà ce que ça devient chez Céline. Oui, alors je lis la traduction, je termine, je lis la traduction, notre traduction up to date, là. Les infidèles ont creusé une fosse profonde, contresens. Oui, on peut dire des infidèles ont creusé, mais la fosse profonde, non. Il n'y a pas de fosse profonde dans ce texte, parce qu'on a confondu shahata et shahat, avec un tav. C'est-à-dire, c'est pas une consonne emphatique avec une consonne simple. Il n'y a pas de fosse profonde dans ce texte. Alors voilà ce que Céline en a fait. Je l'ai écrit en dessous. Shahat. Alors ça, c'est Céline, n'est-ce pas? Shahat. Ashitim avec un shin et vous pouvez garder. Ce qui donne, alors, Shahat Ashitim et Miku, ils ont creusé profondément une fosse ou la fosse, Shahat avec un tab, de Shittim. Et alors nous retrouvons le Shittim de nombre 25, verset 1, où il est selon l'hypothèse de Zénine, le lieu où Moïse aurait été assassiné. Voilà. Premier exemple. Ce n'est pas tout, parce que vous regardez également si ça ne vous ennuie pas trop. Et deux autres passages que Zénine invoque pour son hypothèse. Alors, l'autre passage, c'est Osée 9, versets 7 à 14. Livre d'Osée 9, je dis là, c'est un passage un peu plus facile. Que là, franchement, ce verset 2 de Osée, pour le moment, 2 du chapitre 5 d'Osée, pour le moment, je ne le traduirai pas, n'est-ce pas, c'est pas la peine. Il est certain qu'il y a un mot qui signifie, comme le petit commentaire de Ben Ezra, n'est-ce pas, qui évoque un massacre. On a creusé, et des infidèles ont creusé, ont approfondi, mais on ne sait pas quoi. Je ne sais pas si le texte est corrompu, ou sinon, tout simplement, nous ne le comprenons plus. Et les sept ans ne le comprenaient pas davantage. Deuxième passage, où nous disions Osée 9, 7, 14. Alors là, je dis, je ne me rappelle plus, mais c'est ça, les sept ans parlent d'un lacet, et lacet, les chasseurs. Ah, non, c'est plus loin, c'est le verbe de Moshachat, est-ce qu'il n'était pas servi par votre sens? Ah oui, oui, ça. Coupure milieu de bande. Alors, chapitre 9, versets 7 à 14. Oh, oui, c'est un passage qui semble parler du mépris dans lequel est-il le prophète. Les jours du châtiment sont arrivés, les jours de rendre compte sont arrivés, qu'Israël le sache, que le prophète devient fou. L'homme de l'esprit délire à cause de la grandeur de ton crime et de la grandeur de l'attaque que tu subis. La sentinelle d'Éphraïm est avec mon Dieu, c'est le prophète. En lui tend un piège sur tous ses chemins, on l'attaque jusque dans la maison de son Dieu. Oui, je prends d'abord le verset. Il est question, au verset 7, d'un prophète. Ce prophète, je crois qu'à peu près tout le monde, et ça paraît être, si vous voulez, l'interprétation la plus obvie, reconnaît que c'est une manière dont Osée se désigne lui-même, ayant été victime de la vindicte de ses contemporains, du mépris de ses contemporains. Pour Céline, dès qu'il voit le mot prophète, ça y est, il saute dessus, c'est Moïse. Et alors, voilà comment s'arrange le verset 8. Ce n'est pas facile non plus, mais voilà, je vais recommencer à vous mettre le texte de la Bible sur une ligne et sur l'autre ligne, ce que Zéline en a fait. Ah oui, sauf Ephraïm. hymne avec Elohaïa. Bon, tiens. Bon, je mets une pause, je crois que ce serait. Alors, 9A et 8B, puisque chaque vers hébraïque, chaque verset se divise en deux hémistiches par des accents, par des points de ponctuation. Alors, Navi, le prophète, par Yahush, Alcool, le Rata, on va plus l'informer. Peu importe, c'est plein de l'intérêt. Vous voyez, ici, ils sont faits, et dit Ephraim, dit Eloï, avec mon Dieu, littéralement, et épion. La sentinelle d'Ephraim, ou celui qui est qui en Ephraim, est avec mon Dieu, et Navi, il faut probablement comprendre dans la suite, le prophète est un piège tendu, le prophète, et c'est une phrase nominale sans focus, n'est-ce pas? Le prophète est un piège tendu sur tous ses chemins. Eh bien, voilà ce que ça devient chez Zéline. Dommage que je n'ai pas de taille rouge. Oui, le Navi, c'est-à-dire Iseline, n'est ni osé, ni un nom collectif. Le il dit ceci, Ephraim sauvé, Ephraim a regardé, hein, et ensuite, Im, on peut traduire à la rigueur par Ber, Orel, c'est-à-dire qu'il a perdu Navi. Il a perverti le Het et le Hé, et l'oreille, mon Dieu, il tire le substantif Orel, ou si on veut son pluriel, Orolai, qui signifie l'attente, T-E-L-T-E, ou l'étente. Ephraim regarde vers l'attente du prophète, sous attendu pour lui faire un mauvais coup. Donc, et alors ensuite, plus loin, il retrouve au verset suivant, n'est-ce pas, le mot chittim, toujours dans ce chapitre 9. Il y a un mot qui signifie anastema, signifie adversaire. Voyons, c'est dans quel contexte. Oui, Mastema, le Beit et l'Orav, à quelqu'un qui attaque, n'est-ce pas, un adversaire dans la maison de son Dieu. N'est-ce pas, c'est ce qui est en parallèle au piège sur les chemins que nous avons vus tout à l'heure. Et le verset de ceci, n'est-ce pas, c'est le verset. Alors, 9-8. Le 8, c'est la fin du verset 8. Et verset 9, et Miku, et là nous retrouvons quelque chose de déjà vu tout à l'heure, et Miku, Shiretu, Jimea Giba. Et Miku, Shiretu, verset 9, de poser 9, et Miku, Shiretu, ils sont allés jusqu'au fond de la corruption, traduit notre version, c'est-à-dire ils ont fait quelque chose profondément, et Rémikou, Chiretou, ils se sont corrompus. Et alors voilà, Zélim, maintenant. Alors, d'abord, ce Masséma, il le dit. Pachitim. Ah oui, oui, ça c'est important. Pachitim, toujours la même histoire, le chitim de nombre 25, verset 1, et à Emikout, je crois que c'était plus qu'il fait ça, peu importe, et à Emikout, et ils ont approfondi, et au lieu de Shireitu, il garde évidemment les consonnes, mais il lit Shahato au lieu de Shireitu. Shireitu est un verbe à la troisième personne du perfect qui signifie qu'ils se sont corrompus, et Shahato est un substantif accompagné du suffixe de troisième personne masculin qui signifie sa fosse. À Chittim, ils ont creusé sa fosse, la fosse de Moïse, naturellement. Et alors, c'est pas terrible, mais là, peut-être le texte de Osée, qui lui est, aurait, si l'on peut dire, une certaine puissance de conviction, mais un peu moins faiblement accaparé que les autres, par Zédine. C'est au chapitre 12, fin du chapitre 12, début du chapitre 13 d'Osée. Il est d'abord esclavement question de Moïse dans ce passage. Et Moïse appelé prophète. Je vous dis la fin. Il était question, n'est-ce pas, dans ce qui précède, du patriarche Jacob. Et puis, nous passons à Moïse. Ce qui est pas un deuxième rapport, c'est que la transformation de l'Élohim, c'est-à-dire de Dieu dans le réel, la mort, a été faite par d'autres commentateurs. Oui, c'est possible. C'est possible, mais vous savez, Zéline n'est pas le seul de son espèce à travailler comme ça. Je vous dis quand même aller un peu plus loin que les autres. Non, on n'en tire pas plus. Aussi hâte. Chapitre 12. Oui, Jacob s'est enfui aux plaines d'Aram. Allusion à l'épisode de Genèse 29. Pour une, et Israël, c'est-à-dire Jacob, c'est le même nom, a servi à travailler, si vous voulez, pour une femme, Léa et Rachel. Et pour une femme, il s'est fait gardien de troupeau. Littéralement, il a gardé, Shamar. Mais par un prophète, le Seigneur a fait monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël a été gardé, Mishmar. C'est pas un jeu de mots dans lequel on met en comparaison l'action de Dieu par Moïse et l'action de Jacob pour avoir ses femmes. Vous avez les constructions des versets 13 et 14 sont un très beau parallélisme, très conscient, et se terminant l'un et l'autre par un mot, le verbe Shamar et Mishmar. Mais là, il est certain que le Navi, le prophète, dont il est question au verset 14, a été c'est Moïse, lui qui a fait monter Israël d'Égypte. D'ailleurs, ce n'est pas le seul cas, des fois où Moïse est appelé prophète, c'est caractéristique de ce passage d'Osée et de la tradition du Deutéronome. Donc, Deutéronome, n'est-ce pas, on sait qu'il y a certainement des liens entre Osée et le Deutéronome, qui lui est un peu postérieur. Et alors, le verset 13. C'est là, et découvrir le verset 13 du chapitre 12 et le verset 1 du verset 13. Je vois encore une. Vous allez voir qu'au fond, la liberté que Céline prend avec ce texte ne le rend pas plus convaincant que les interprétations qu'il tirait des chapitres 5 et du chapitre 9. Allons 12, 14. Il a hérité, Éphraïm, alors sujet, Éphraïm a hérité. Savourim, hein, ben ça c'est un milieu. Quelque chose qu'on pourrait comprendre, Éphraïm a hérité Savourim amèrement. Un substantif, évidemment pluriel, mais qui peut être employé adverbialement, d'une manière amère. Enfin, la racine d'amertume est certainement dans ce mot-là. Et il répandra, il reversera son sang sur lui, le hephato, et son opprobre, je continue, le yashiv rendra à lui l'eau adonable, son Seigneur. Oui, ça, c'est un verset qui n'est pas dessus, mais qui peut très bien. Il peut quand même se comprendre. Éphraïm, Ygris, a peiné ou a affligé Tamrourim de manière amère. Il faut suppléer un complément. Il a affligé quelqu'un qui est probablement son seigneur. Adonav, qui est le dernier mot du verset, mais qui peut être mis, ça est souvent un facteur commun dans deux hémistiches. Coupure milieu de bande. Le verset suivant, Yitosh, il rejettera, sujet, probablement Adonav, son seigneur, qui est le sujet commun des deux verbes de l'hémistiche 14b, son seigneur rejettera son sang sur lui. Rejeter le sang sur quelqu'un, c'est une formule juridique fixée. Pas qui est assez long. On ne peut pas faire l'étude ici, ça serait beaucoup trop loin, mais ça implique, n'est-ce pas, un châtiment. Et Yashiv lo hephato, et Yashiv lo, il lui rendra, le Seigneur rendra à Ephraïm, hephato, sa honte, la honte qu'il a commise, l'acte honteux qu'il a commis, le rétribuera, se le rétribuera pour son comportement honteux. Verset 13, chapitre 13, verset 20, c'est ce qu'il reste à voir, c'est la suite du développement précédent, d'après Zélie, mais ça n'est probablement pas ça, que d'Abder, quand on parlait, que d'Abder, Ephraïm, peut-être, ah ça c'est un mot, je comprends que ceci, c'est pas une histoire de mémoire, lors du parler d'Ephraïm, pendant qu'Ephraïm parlait, Batet, substantif, tout sûr du meurtre, qui est une seule fois dans la Bible, mais qu'on trouve dans l'hébreu de Qumran, une fois, et qui signifie tremblement. Vraiment comprenant, n'est-ce pas, quand Ephraïm parlait, Batet, c'était la terreur, le tremblement, qui est une expression elliptique, mais qui est tout à fait constante en poésie hébraïque, en poésie sémitique archaïque en général. C'est une formule extrêmement concise, il n'y a pas un mot. Quand Ephraïm parlait, c'était la terreur, ou le tremblement. Verset 13b, 1b, Nasa ou, ah, ça c'est difficile, Nasa ou, œil d'Israël. Ce verbe Nassa qui signifie porter, élever. Il portait en Israël, mais qui peut être quelquefois, je crois, une ellipse, pour signifier, on a l'expression Nassa Kol, lever la voix, qui revient à dire parler. Alors, quand Ephraïm parlait, c'était la terreur, et il levait, je sais quoi, il levait la tête, il levait la parole en Israël. Une expression elliptique. Et alors, 13, voilà maintenant, ben, 13b, je suis obligé d'égaliser, mais pas ces deux. Vous avez donc deux petits membres de phrase dans 13.1a. Là, Yahashem, la Yahisham, pardon. Je l'écris, j'ai des mots sur les autres, mais ça n'est pas en réalité continue. Le Yahisham, Barbal, va Yamot. Mais s'il a péché, il a péché par Baal et il est mort. Ephraïm a péché par Baal, n'est-ce pas l'idée? L'idée du verset 13 est assez claire. Autrefois, Ephraïm était un personnage redouté, mais il a péché par Baal et il est mort. D'ailleurs, voilà ce que ça veut dire chez Zébin. Maintenant, tout ça, c'est assez compliqué, parce qu'en plus, non seulement il corrige un mot sur deux, mais il change des versets ou des hémistiches de place. Alors, ça donne ceci. Ah, voilà. D'abord, au lieu de retix, Redéber Ephraim retix, n'est-ce pas ce mot? Il a paru bizarre, effectivement, il n'a plus qu'il se trouve une seule fois dans la Bible. Donc, s'il se trouve une seule fois, on a tendance à croire qu'il n'a pas le droit d'exister. Alors, il dit tout simplement, Torati, ma loi. Quand Ephraim disait ma loi. D'ailleurs, c'est une correction qui a été reprise il y a 5 ans par le père Tournet, dans un article de l'Art du Bible, et qui a pris la correction de Céline, qui vraiment ne s'impose pas. Bon, ensuite. Au lieu de Nassa ou de l'Israël, il dit Nassi. Donc, c'est une correction mineure. Et ça devient, il était prince en Israël. Mais surtout, il intervertit des versets. Ah, mais je crois que j'en ai oublié. Hein. J'ai oublié le verset 1. C'est ça. Oui, j'ai oublié le verset 1. J'ai pas le courage de l'écrire en tant que. Vous l'avez donné le 15A. 15A, oui, c'est ça. Ah oui, je l'ai donné avec. J'ai pas le verset 1. Il intervertit. Il porte le 13A, c'est-à-dire tout ceci, tel qu'il l'a corrigé, qu'il le reporte. Après la phrase suivante, la phrase précédente, il intervertit, si vous voulez, 12-15B. Oui, voilà, Marc. 12-15B. Je suis embêté. Il reporte 12-15B. Après. 13-1-A, et alors, encore, et voilà, et ça donne ceci, avec d'autres corrections. Au lieu de, il a X, voilà, 13-1-B, ici. Ah oui, vous l'avez ici. Voilà ce que ça donne, je lis la traduction de Céline. Mais par un prophète, j'ai conduit Israël hors d'Égypte, et par un prophète, il a été gardé, ça c'est un peu près le texte hébreu. Ephraïm l'a hérité, il a rendu Israël amer, et alors c'est là qu'il passe près d'un A, tant que Ephraïm disait ma loi. Vous voyez que d'Abder Ephraïm Torati au lieu de Retet. Il était prince en Israël, Nassi ou Israël, au lieu de Nassa ou Israël. 13-1-B maintenant. Mais, Yesham, que Céline, je ne sais pas pourquoi le verbe signifie il a péché, et je ne sais pas pourquoi, alors ça, j'ai vraiment demandé pourquoi, il a expié. Il a expié à cause de Baal. Et il a été tué. Alors, ce qui suppose, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi il a traduit ça, je ne vais pas chercher. Ben, il écharme, par, qui signifie tout simplement, il a commis un péché. Il l'a remplacé par, il l'a retourné, il a expié son péché. Il a expié son péché à cause de Bâle, et au lieu de Yamoth, et il est mort, il a eu Vat Yumat, en changeant les voyelles, et il a été tué. Et il s'agit bien entendu de Moïse. Et alors, maintenant, nous retrouvons le membre de 15B, Vetamar Alav Yitosh, il changera, que Céline corrige encore, il corrige la troisième personne, Yitosh, il renversera, qui a dans le texte à pour sujet Dieu, renversera son sang à son sang sur lui. Moïse, Céline le corrige en je ferai tomber son sang sur toi. Et il s'agit, le sang de qui, n'est-ce pas, c'est le sang. Dans le texte hébreu, c'est le sang d'Éphraïm, mais dans le texte, dans l'interprétation Céline, ça devient le sang de Moïse. Je ferai tomber son sang sur toi et je te. Alors là, il comprend, n'est-ce pas? Et je achive. Il dit achive. Et ici, et je te demanderai compte de l'opprobre qu'il a subi. Je me demanderai compte, c'est l'esprit, c'est-à-dire ça devient donc dans ce passage de Osée 12, 14, 13, 1, il serait question d'un assassinat de Moïse dont Dieu demandera compte aux Israélites. Enfin, vous voyez par quels artifices, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, n'est-ce pas, par quels artifices Zélie est arrivé à faire dire au texte d'Osée quelque chose qu'il n'a certainement jamais voulu dire et qui n'a jamais été lu dans le texte d'Osée, ni par les anciens traducteurs, ni par les commentaires modernes, dans leur ensemble, à l'exception de Zélie. Et là, je crois que nous avions là, l'endroit le plus caractéristique dans ce Moseum Zayn Vedatum pour saisir la démarche de cet exégète. Évidemment, sur le serviteur d'Isaïe, on peut discuter. Il y a des traits qui pourraient se comprendre comme faisant allusion à Moïse. C'est incontestable. Seulement, j'ai l'impression que Céline les a surévalués. De même, n'est-ce pas, quand il fait un grand état, il peut voir également une allusion à l'assassinat de Moïse dans un personnage, on laisse un personnage, du Deutéro-Zacharie, du livre du prophète Zacharie, au chapitre 13, si je ne me trompe, de Zacharie, enfin, oui, question du chapitre 12, d'un personnage transpercé, vers le transpercé du Deutéro-Zacharie. C'est sûrement pas Moïse, mais enfin, c'est équivoque, c'est vague. Là, vous voyez où ça, où Céline pouvait accrocher son explication, c'était sur ces trois passages d'Osée, et voyez comme il les a fait, comme il a procédé. Encore une fois, ça n'est pas sa faute, si vous voulez, c'était de son temps, mais pas qu'il se permettait, il était d'usage en son temps de se permettre de pareille liberté avec les textes. Et ce qui est arrivé, étant donné l'autorité de Céline, il a pu être pris au sérieux par des gens. Si vous n'étiez pas tout à fait de sa profession. Ah oui. Donc vous avez là le les feuillets. Il y a ensemble d'autres qui s'étaient à travailler sur une autre façon sur le maître. Oui, il a travaillé d'une autre façon. Il a travaillé par l'intermédiaire de la version de septembre. Et il aboutit finalement à un tout autre sujet. Oui, voilà, l'interprétation que Céline nous donne de notre passage en 1928. Par un prophète, j'ai mené Israël hors de l'Égypte, et par un prophète, Moïse naturellement, il fut protégé. Ça va très bien. Éphraïm l'irrita amèrement. Chaque fois qu'Éphraïm tint des propos querelleurs. Alors cette fois, c'est retête. Qui est tricoté autrement, comme vous dites, c'est au lieu de ce mot. Ce mot retait, évidemment, il était seul dans la Bible, alors il ne pouvait pas exister. Une fois, on l'a corrigé en Torah, Maloua, et Fanny Zemara, et maintenant, Ribot, c'est des propos querelleurs. Dernière correction de Zénith dans son article, c'est très simple. Par le détour incroyable d'un mot de septembre. Oui, dit Kayomata. Oui, c'est ceci. Oui, dit c'est parfaitement possible. Mais ça ne veut pas dire que les septembre aient vu ça. Chaque fois qu'Éphraïm tint des propos querelleurs, il lui fallut le tolérer en Israël. Anasaru. il le supporta en Israël. Cette fois, il a gardé le verbe Nassa. Alors, il expia, encore une fois, Yahasham, à cause du Baal, et subit la mort, et mourut. Je rejetterai son sang sur toi, et son opprobre, je te la revendrai. Ça, c'est exactement, c'est sa solution, la même solution qu'en 1921. Voilà, je ne sais pas si, je vois que le cours vient évidemment rester très longtemps pour étudier la manière dont Zéline a procédé, mais ça risquerait d'être fastidieux. Dans la pensée de Céline, vraiment, je suis tout à fait incapable de trancher, dans la pensée de Céline, nulle part dit qu'à supposer le texte ayant la portée du Légit, et donc restituant un texte ayant un certain sens, mais nulle part dit que ce texte, je peux dire, cette localisation, pouvait être comprise de quiconque, car à vouloir dire, par exemple, que le paragraphe 25 est non cache l'événement de meurtre de Moïse, nous sommes là en pleine ambiguïté. Au niveau de la pensée de Céline, qui je ne pense pas face à la hauteur de la catégorie française. Ah non. Le fait de cacher l'événement de Chittim avec l'histoire. Qu'il serait si elle le remplaçait effectivement. Nous sommes là, au niveau quelque chose aussi de ne pas être tout à fait un plat dans le registre de la pensée de cette lumière. Et je crois que c'est évidemment là l'intérêt de la chose, c'est en quelque sorte de voir l'extraordinaire latence que comporte une pareille façon de procéder. Oui, on conçoit jusqu'à un certain point que Freud s'y soit trouvé en quelque sorte renforcé dans l'idée qu'il s'agissait de quelque chose qui ressortait malgré toutes les intentions, malgré la forte résistance à ce souvenir, n'est-ce pas, qui serait supposé dans son registre. Mais il n'en reste évidemment pas moins très étrange que ceci soit supporté par des écrits, que ce soit à l'aide de ces écrits que ça puisse être redéchiffré. Car il y a une chose que Jones s'atteste, c'est que Freud aurait eu, c'est un aurait, aurait eu de l'aveu de Céline lui-même communication. Jones en fait état. Communication du fait qu'après tout, il n'était pas si sûr que ça. À savoir la chose que vous nous avez indiquée tout à l'heure, que dans la deuxième édition du KAT, il a laissé tomber l'exégèse que vous avez esquissé de 1922 pour les chapitres 5 et pour les chapitres 9. Il a gardé 12. Mais il est question de Moïse seulement. D'un côté, je crois qu'il a quand même abandonné son. En tout cas, il a renoncé à mettre en avant son hypothèse de la mort de Moïse, parce que c'est dans ses travaux sur le fameux serviteur mort du Deutéro Isaïe, le serviteur de Yahvé. L'hypothèse mosaïque, si l'on veut que Zéline soutient en 1922, il a renoncé lui-même expressis verbis. Et depuis, il a changé deux fois d'avis, du reste à la suite de ça, sur le serviteur. Donc il a abandonné complètement. Le serviteur n'est pas Moïse. Surtout, il semble avoir, évidemment, il a peut-être gardé cette idée du meurtre de Moïse, mais a renoncé à s'en servir, si vous voulez, pour interpréter les chants du serviteur. Oui. Je me demande si Freud n'a pas été victime du prestige académique de Zéline. Je crois. Je ne sais pas, mais il y a peut-être des livres, Rosé, vous avez des détails, qui est bien et rigoureux. Je ne sais pas femelle. C'est faux, mais ça va être Et par contre, preuve j'en fais. Enfin, je ne crois plus dans rien de cette articulation. Il signale simplement qu'il y a un homme Céline qui récemment a émis l'hypothèse de recevable qu'il serait tué. Et il le signale par ce secteur très court qui indique la référence sans rien d'autre. La référence de l'opuscule de 22, c'est rien de plus. Alors, je l'ai signalé tout à l'heure, parce que je vais vous dire le faire, que Jones mentionne que dans un ouvrage de 35, c'est-à-dire encore postérieur à ce que nous avons pu vérifier nous-mêmes, dans un ouvrage de 35, il maintiendrait sa position. Mais comme j'ai dit, je pas remporté la loi non plus, mais je pourrais retrouver la Geschichte des Israelitischen, je pourrais peut-être la retrouver encore plus. Je vous l'enverrai, je vous enverrai la règle maintenant. Oui, oui, oui, c'est enfin. Et vous je n'ai pas jusqu'à présent des emprunts à vous dire une fois. Je crois que ce serait simplement intéressant pour la suite de ce que je vais avoir à dire, que quand même vous donniez une idée que poser a un sens qui n'a absolument rien à faire avec ces minutieux, et que le point important, l'usage du guiche, comme nous parlons le jour d'aujourd'hui, qui est vraiment conjoint et rapproché de enfin, la nouveauté d'Osée, je ne sais pas si j'ai bien entendu, c'est en somme cet appel d'un type très particulier, car j'espère qu'après ça, tout le monde va quand même chercher une petite Bible, n'importe laquelle d'ailleurs, simplement d'avoir une idée du ton que ça a osé, sur un vectible vraiment très pignant, qui est celle de la parole de Yahvé parlant à son peuple. Dans un autre discours dont j'ai déjà indiqué, enfin, quand j'ai parlé d'Osée, avant d'avoir le livre de Céline, j'ai dit, moi, dans Osée, j'ai jamais rien lu qui ressemble même de loin à ça, mais par contre, je vous ai signalé au passage l'importance du fait de l'objectif, de l'invitation, de rite, de prostitution sacrée, qui vont d'un bout à l'autre. Et alors, la mise en opposition à cela, d'une sorte d'indique par où Yahvé se déclare. Alors, l'époux, et on peut dire que là commence enfin, cette espèce de longue tradition assez mystérieuse, je veux dire en elle-même, qui ne m'est pas apparue à moi-même avec évidence que nous puissions vraiment citer le sens, qui fait par exemple du Christ l'époux de l'Église et inversement. De l'Église, l'Église du Christ. Ça commence là, mais il n'y a pas de trace de ça dans le système. Et alors, le terme qui est employé pour époux, c'est-à-dire celui pour le terme de ish, qui est celui-là même qui est employé au second chapitre de la Genèse, au moment où le ish en question dénomme sa conjointe, non pas la première dont on parle, c'est-à-dire à 27 du premier chapitre, où Dieu les crée mâle et femelle, si j'ai bien dit, Zahar et Kedavah, c'est mâle et femelle. Ensuite, dans la seconde version, puisque les choses sont toujours répétées de lui pendant la Genèse, c'est Ish qui dénomme ça. Il dénomme l'être, sa tête, sa côte, l'objet partiel, comme tu l'appelles, et le dénomme tout ça. Comme par hasard, il va lui ajouter un petit pain. Ce n'est pas du tout spécial. Les emplois conjugaux crois que je vais lui signaler. Vous avez oui, vous avez fermé. Ce n'est qu'une petite partie des exceptions du Haïtiche qui est l'homme en général. C'est ça, c'est une sorte de exception. Je crois que ce n'est pas plus étonnant qu'en allemand dit Mein Mann pour mon mari. C'est ça, ce qui est parfaitement correct, alors qu'en français, mon homme plutôt familier. C'est ça. Alors que En opposition au barrage étranger. C'est moi qui suis ton barrage. Je n'ai donc pas à courir après les barrages. Qui est le parèdre, la femme du Baal, dans les religions sémitiques païennes. Elle fait mieux faille, par moment, Israël, n'est-ce pas, est bien décrite presque comme une déesse. Non, mais c'est très... Ça, c'est possible. Ça, vous en avez alors là, ça n'avait jamais été dit, mais on reste dans les cadres de mentalité, n'est-ce pas, des religions sémitiques et encore qui conçoit dire à Dieu sans sa déesse. Mais en Israël, on a l'impression que la religion prophétique, si vous voulez, remplace la déesse par Israël. Ce serait le cas de l'autre histoire. Je pense que quand le théâtre qui est annoncé, nous pouvons en rester là,